C'est DJ Case au contrôle avec quoi, Case, à l'instant? Là, on a fait une bonne session. On s'est mis bien, oui. Le gros titre de Snake, Dylan Francis, Get Low, et comme toujours un inédit, donc de Paris en New York. Le titre, c'est l'artiste et Camro. C'est l'artiste et Camro, et le titre, c'est Full Bordel. Full Bordel qu'on trouvera le 25 août et en précommande dès maintenant, on peut cliquer. Dès maintenant, exactement. Paris en New York, vous retrouverez aussi nos invités de ce soir. D'ailleurs, j'ai lancé un jeu. Ah. J'ai lancé un jeu que tous ceux qui précommandaient, il y avait un tirage au sort, et il viendrait à. On en sélectionne deux ou quatre personnes, je sais plus, parce que c'est la prod justement qui organise le jeu, et qui viendrait à ma soirée à Marrakech le 1er août. Ah ouais, voilà, c'est trop voilà. Bien, ça. Donc c'est mortel. Bah, on peut jouer tout de suite. Super, c'est un vrai jeu. Franchement. Et c'est quoi, il y a des questions, des réponses Non, il suffit simplement d'envoyer le. Bon, tu sais, la plupart ils téléchargent avec leur iPhone. Ah, ils préfèrent une copie d'écran et d'envoyer sur par message ou sur le statut en commentaire sur le statut, ça permettait de peut-être gagner un voyage à Marrakech à l'œil de bœuf. Eh bah terrible, ton premier route Marrakech, ça peut le faire. Hein. Bah oui, ouais, au top. Et on... 6,99€ seulement. C'est-à-dire un voyage pour 6,99€. Bah alors là, c'est le moment d'aller cliquer tout de suite. Paris, Oran, New York, vous cliquez dessus et vous faites la capture d'écran. Vous l'envoyez où? On l'envoie où, la capture d'écran? On l'envoie sur Facebook, sur la page fan DJ Case, DJ espace KAYZ. Et le tirage au sort aura lieu le jour de. le dernier jour du ramadan. Et c'est l'Aïd, ça sera, je crois, le 28 ou le 29. Tout va dépendre de la lune. Oui, on va scruter ça. Très attentivement. C'est ça, Kenza, donc on est avec Kenza. Et Diesel. Ouais, sont là, les là, filles, les filles du projet. Il y a d'autres filles aussi sur le projet Case, je suppose. Oui, il y a Tarasana, il y a aussi, il y a qui sur, en filles. C'est toi qui l'as fait, t'es sûr de mémoire. Non, tu sais, Fred, il y a tellement de titres, il y a 25 titres et beaucoup d'interprètes. C'est vrai, c'est vrai. J'étais prêt à pas froid, désolé. Oh, je sais. On va les retrouver, on vous les file. Il y a les producteurs aussi. Ah, mais on voit que c'est une sacrée équipe. Dédicace à Juston Record. Il pense plus, à mon avis, à Marrakech 1er août qu'au nana qu'il y a sur le projet, en fait. Les filles sur le projet. Ah, ils écoutent rien du tout en plus. Les filles, apparemment, il a pas l'air. Ils sont tous à Marrakech. Ouais, ils sont partis le 1er août déjà. C'est fini. Ils sont déjà loin. Bon, une chose est sûre, en tout cas, il y a Kenza. Qui est là. Il y a Diesel qui est sur trois titres. Ouais. Dessus. Et vous êtes là encore pendant une petite quinzaine de minutes. Oui. Pré-ambiancé. Le Paris en New York. Qui sera dans les bacs le 25 août et en précommande dès maintenant. Et 25 août. Et puis Rail Suprême, tout de suite, on continue. Allez, le feu d'artifice. Rail Suprême, c'est DJ Case. DJ Case, Kenza. En Paris, Oran, New York, le 25 août dans les bacs. Allez, pécho, allez, pécho. DJ Case. Case, Case, Case. Ma mère m'aurait bien vu à la place Rachid Arabe. On ramenait jamais ce qu'on voulait à la baraque. Par peur, faire marave. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du rachet système. Beurre et conscient de son potentiel. En France, c'est facile se retrouver au HEPS. Ramassé, autrement des coups, des trafics. Toujours un tiers, toujours à l'affût, vicieux des soins. Débrouillard, des stars, ça. C'est le coup de rip, rachet système. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes. Qui tentent de faire au set, se montent des coups, se relèvent. Et parfois, c'est fatal, ça semble interminable comme une jifada. Avec les moyens du bord dans tous les domaines, on a la hache par les draps à bendo. Mais si on peut ouvrir en critique, photo. C'est vrai que j'aime mon pays et que rien ne le vaut. Rachet système. Minuit 1h, minuit 1h, Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Je vis pas d'avoir de la sape, de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident, il te faut du soin. Du soin, baby, du soin, ça fait pas comme un spoil. Du soin, ça prend des piges et des piges. Demande à Scalpovitch, trop de le C.

Skyrock. DJ Case au contrôle, eh ouais. Et ce morceau qu'on va retrouver sur Paris en New York. Exactement. Le 25 août, c'est le morceau où il y a Kenza, où il y a Diesel. C'est ça. Et le titre, c'est Matrixé. Matrixé. Voilà. Il y a des genounets et des matrixés. Ah bah, y a tout. Sur l'album, il y a tout. Et les filles, elles ont une imagination débordante. Incroyable. Bon, bah, merci pour cette belle soirée en tout cas. Bah, merci à vous. Merci à Kenza, à Diesel d'être passé. Merci à vous. On s'est trop bien amusé. C'était l'ambiance de fou. Bon, bah, merci à vous. Donc, on vous file rencard le 25 août dans les bacs. On retrouvera d'ailleurs donc trois morceaux avec Diesel, des morceaux avec Kenza aussi. C'est ça. Et puis pour les projets perso, donc la rentrée pour Kenza, ça arrive. Ouais, le nouvel album Charismatique arrive à la rentrée. Charismatique. Yep. J'ai écouté deux, trois titres, c'est du lourd. très bien. Très lourd. On va guetter ça pour la rentrée. Diesel, pareil, on guettera ce qui va se passer pour toi dans les mois à venir. Pareil, bientôt le nouveau son qui va sortir dans pas longtemps. Pas le temps. D'ailleurs, vous avez, Kenza, on connaît un peu, mais toi, ton adresse, Diesel, on peut te suivre sur le net. Diesel officiel, la page, voilà, la page artiste. Et puis Kenza, toujours, ça n'a pas changé. Kenza Farah. Charismatique Kenza, pareil. Ouais, Twitter, @charismaticKenza et Facebook, c'est Karim. Kenza Farah, simplement. Tout simplement. Je sais plus. Tu sais, tu es perdu. Je ne sais plus. Bon, bah, merci d'être passé. Merci à vous, merci à toi, Fred. Diesel, toujours un grand plaisir. Et puis, merci à Kaïs. Et voilà, on va soutenir l'album partout sur les réseaux. À fond. Qui va nous faire danser. Et on va partir en vacances en août. Et à la rentrée, ça va nous accompagner pendant l'année. Voilà, bonnes vacances à vous, si c'est le cas. Bonne fin de Ramadan aussi. Merci. Et puis, nous, Kaïs, on se retrouve la semaine prochaine. Dimanche prochain. Pareil. On continuera à découvrir peut-être d'autres extraits de Paris en New York. Exactement. Et puis on rappelle donc, allez le précommander. Vous prenez en plus la photo, vous voilà, faites une capture d'écran. Capture d'écran qu'on envoie sur la page fan DJ Kaïs, donc sur Facebook, DJ espace KYZ. Vous envoyez et vous aurez peut-être la chance de partir à Marrakech le 1er août. Tout ça, pour rappelle-nous le prix. Voyage pas cher. Pour 6,99€. Non, vous blaguez pas. 6,99€. Un voyage à 6€, franchement. Celui qui va pas chercher Paris en New York. C'est pas Noël, mais. Il va dans le mur. C'est encore mieux. C'est l'Aïd. Exactement. Et justement, le tirage au sort aura lieu le jour de l'Aïd. Terrible. Et bon, on suivra ça. Merci, Kaïs. Merci à vous. Merci, Diesel. Merci, Kenza. Merci. C'est reparti pour le son de Skyrock. Ciao. Bonne soirée. Le son continue et bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Ciao.